Les paysages sonores ne sont pas tous singuliers. Bon nombre appartiennent à des catégories génériques et sont relativement interchangeables, du moins pour des oreilles extérieures à la vie locale, comme cette situation urbaine paisible où le passage d'un avion est encore un événement. Nous sommes à Saint-Martin-d'Hères, place Étienne-Grappe, au futur terminus de la ligne C'.